Le gros travail d'écriture de cette chanson de Broncho Bronco avec Class Historian sur leur album Just Enough Hip to Be a Woman. On a toujours la question en tête, est-ce que c'est Broncho ou Bronco? D'après moi, ça doit être Broncho. Parce que le mot en anglais honcho, ça dit H-O-N-C-H-O, c'est honcho. Donc j'imagine que c'est Broncho. Mais bon, on ira faire nos recherches. Du côté francophone, c'est Les Erreurs avec Bonne Fête qu'on a entendu, nouvelle entrée sur leur maxi Les Erreurs. C'est un groupe punk francophone formé il y a 2 ans par 2 membres de Many Mental Mistakes, Ava Stone et Sylvain Castillou. Ils sont maintenant soutenus par le rythme effréné de Trevor Griffin. Voilà pour les 2 seules nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on va dire au revoir à 2 petites pièces. Ça va prendre 30 secondes. Voici Palmer Rest in Peace. Les intros vont être plus longues que le contenu. Just now. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Des jeux, des gens, des filles de Saint-Tropez assises au bar. Tu vas avoir la vie à mort. Tu te prends comment ne pas aimer. Tu te prends comment ne pas aimer. Tu te prends comment ne pas aimer. I am made of time, in it the time I concentrated. Making sounds of what's in my mind, nothing can really explain it. It's a wonder kind, it's a wonder kind, it's a wonder kind, it's a wonder kind, it's a wonder kind, it's a wonder kind, it's a wonder kind, it's a wonder kind. Ce sera les pièces qui ont quitté les paparazzi fous depuis l'édition du 22 au 28 septembre 2014. On a commencé avec Alexandre Desilets et Crime Parfait qui a duré 5 semaines. Et Language Arts a terminé ça avec Wonderkind qui a duré aussi 5 semaines. Donc 2 pièces qui ont fait un petit séjour dans nos palmarès. On les remercie de leur présence. Alors voilà pour Palmarès in Peace. On fait ça en début d'émission à chaque palmarès. C'est fou. Ce qui nous amène donc aux prochaines positions, et je pense qu'on n'aura pas à sauter grand-chose pour l'instant, donc on va y aller comme ça, rapidement avec les 19e places, sans rien faire de plus que les présenter. Donc du côté anglophone, ce sera The Harpoonist and the Axe Murderer, avec leur extrait T42, mais avant ça, en francophone, maintenant, nouveau classique, je dirais. Voici La Féline et Adieu l'enfance, sur C'est fou, 89.1 FM. Sur ton rocher, j'ai de la peine pour. sing of love and blue. Oh my God, your Romeo's lost in a cow. 18. C'était Valerie Gore et Amsterdam en position numéro 18. Ça descend de 6 places en anglophone. Avant ça, c'était Ludovic Allary avec Contre-Courant qui descend de la 9e sur son album qui porte son nom, Ludovic Allary. Avant ça, en 19e place anglophone, The Harpoonist and the Axe Murderer avec The T42 qui descend de 16 places. Et au tout début du bloc, c'était La Féline avec Adulte Enfance qui, elle, descend de 7 places. 7e semaine de présence, par contre, pour La Féline. On va sauter par-dessus les 17 et 16, malheureusement. On y reviendra peut-être. Qui sait? En 7e franco, c'est Choses Sauvages avec Les Pas Troué, alors qu'en anglo, c'est Bad Sons avec Salt. Les deux descendent de la 7e place. En 16e anglophone, The Beatles featuring Mr. Valère avec Up. Et en franco, c'est Caravane avec l'épave trouée qui descend de 10 places. On y va avec les positions. En fait, je m'excuse. Est-ce qu'on saute Caravane Chien Noir? C'est ça, Caravane Chien Noir. Je pense que je me suis trompé. C'est l'épave trouée de Choses Sauvages et Chien Noir de Caravane qu'on saute en franco. Mais bon. Donc, on est rendu au 15e place. En anglophone, c'est Mozart, c'est Sister avec Enjoy. Mais avant ça, en 15e franco, voici Pandaléon et Basse-Cour. Eh ben, c'est les Pandaléons à Sifo, 89 FM. Le gars est de la misère.

to me, it just sounds. On vient d'entendre Mozart Sister avec Enjoy en position numéro 15 anglophone. Ça descend de 6 places. Et avant ça, côté francophone, c'était? Toujours en 15e position, puisque ça doit être ça, le bloc Pandaléon Basse-Cour. Ouais, c'est ça que j'essayais de te mener à... Ouais, ben ça a bien marché. Ben oui, quand même. C'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut. Merci, Mathieu. Salut. Ouais, à tantôt, j'ai annoncé en début de l'émission que t'étais pogné avec les pays. Oui, je suis avec les pays. C'est les pays. C'est une erreur d'autocorrection, j'imagine, du iPhone. Non, je suis avec les pays. Je fais le tour du monde. Les différents pays en montgolfière. T'es tellement oui, international. Les vents sont forts. Ouais. J'ai fait ça vite. Une demi-heure. 40 minutes, en fait. Tu lèches pas ton doigt pour la direction du vent? Ouais. C'est un bon vent, ça. Oui, c'est un bon vent. Quel bon vent. Et voilà! Bon, ben ça commence bien. Et voilà, me voici Mathieu. Ça annonce les deux prochaines heures et 20. Donc bonjour Jean-Philippe Charbonneau. Salut Mathieu Plante. On va commencer avec les positions numéro 14, ça te dérange pas trop? Ben non, c'est ça qu'on va faire. Parce que du côté francophone, ça baisse d'une place. Mm-hmm. C'est Danny Placard avec la chanson aussi. Et ensuite en anglophone, ce sera The Last International avec Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood qui monte de 6 places qui était levé la semaine passée. On jasera dans le prochain bloc à la place, on va te laisser arriver. T'sais. Parfait, merci. C'est bon, plaisir, t'es tout fait aussi par le Oui, je suis en train de pleurer. C'est un peu ça. C'est un peu j'expense. Hein, bon. Un peu j'expense. J'étais sûr que j'avais préparé mon enfant. Mais j'ai pas préparé mon enfant. Ah ben! Excuse-moi. Finalement, écoute, je m'étoufferai plus tard. Non, étouffe-toi là, non? Là. Ouais. Ça pendant un bon 10 secondes, je te dirais. Environ. Puis après ça, on va être bien correct. Bon, écoute, moi, je suis bien correct aussi à pas m'étouffer. Si ça te dérange pas, j'aime mieux pas m'étouffer dans la vie. Wow, hey, j'apprends à te connaître avec le temps. Oui, mais Mathieu, t'étais occupé, t'aurais pas pu me sauver. Ah, voilà. Une saucisse dans la gorge, j'ai fait arriver. Hein? Oui. Sans crier gare! Son char et puis de sa TV. Oh.

The Last International et Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood en 14e position anglophone qui monte de 6. Et qui descend... Excuse-moi, j'ai l'habitude d'ouvrir l'autre. Aucun problème, mais qui descend d'une place, c'était Danny Placard avec la chanson Aussi. Oh oui, vous êtes tellement différents, Stéphanie et toi. On dirait que vous faites exprès pour faire le contraire de l'autre. T'sais. Ah! Tu sais, elle, c'est une fille, toi, t'es un gars. Ben, on a fait exprès. Vraiment. elle prend le micro à droite, toi, tu prends le micro à gauche. Je porte à gauche. Tu sais. Ça tu rapporte, porte à gauche. Ben, je pense que ça a rapport avec ça, moi. Ouais. Tu sais, c'est considérable comme avantage de tanguer vers la gauche. Non, mais en fait, je parlais au gars, il cherchait la chasse-galerie, j'ai dit porte à gauche. Ah, OK. suis mon pénis. Ouais, c'est ça. Parle la gauche. porte à gauche. Position numéro 15, wow. C'est Elephant Stone avec Motherless Child Loves Not For War, qui était nommé entrée la semaine passée, qui monte de 6 places en anglo. En 15e position, c'est bien 13e. Ça? 13e. 13e, OK. Oui. Je pense que tu as dit 15, Mathieu. Ça se peut-tu? Ça se peut, suis mon pénis. C'est la chasse. Ben oui, ben donc je ne rirai pas en disant que c'est Brigitte Bribri qui suit tout de suite avec la chanson À bouche, que veux-tu? Elle suit quoi, donc? Bribri. Ouais. Porte à gauche! À bouche, que veux-tu? C'est... Porte à gauche. Porte à gauche. Ah, Bribri. Ouais. Cette Bribri. Son désir de toujours avoir quelque chose en bouche. C'est... Fromage. C'est un peu vulgaire. Hein? Oh, non, c'est ça, fromage. Oui, un bon... Double brie. Double brie. Ça prend comme une minute et demie avant qu'elle chante. Fait que, on pourrait vraiment dire plein de choses, mais... Belle journée, Mathieu. Vraiment. Viens ce jour,

Elephant Stone et Motherless Child, Love's Not For War, qui monte de 6 places, c'était une nouvelle entrée la semaine passée en anglophone. Et qui monte de 6 places également. C'était ça, 6 places, Mathieu? De ton côté? Ouais. Brigitte, à bouche, que veux-tu? En 13e position francophone. Ça a monté. Hein? Mmh. Tu pourrais revenir à nos blagues de tantôt. Là. Ben, des fois, à bouche, que veux-tu, ça peut faire remonter son homme. Ben, c'est bien sorti. Dis de la façon que t'as là, il n'y a comme pas vraiment de rien de louche là-dedans. Ah, au pire, injonction, soyez fâchés. C'est ça. Ben oui. Donc, on saute par-dessus les positions 12 et 11. En anglophone, on saute Rich Aquin et In Flight Safety. Et en francophone, on saute par-dessus Salomé Leclerc avec Arion et ainsi que les passagers avec Achète ta peau. Ouais, pour arriver. Pour arriver, hein? Moi, je me rends compte qu'on aurait dû dire ça comme au début de la deuxième heure. Ça aurait été comme, on aurait plus de lousse dans la musique de fond, comme mettons. Ça, je trouve que c'est un peu malaisant, je trouve, en ce moment. C'est, comme, c'est un peu plate, en fait. Bon. Tu veux-tu que je dise ce qui s'en vient? Non, c'est pas. Encore plus plate, je pense. Ok. On va juste arrêter là, prendre une pause, puis revenir après. T'sais. Parfait. Et deuxième heure, c'est cool. On va relaxer. Tu pourrais aussi prendre plus de temps pour dire qu'on va prendre une pause. Pause. Mettons, tu sais, le souligner. Sors, t'es Kit Kat! Placement de produit. Coup de palmarès. C'est fou, 89 ans. Ça, c'était pas long. C'est la deuxième heure des Palmarès Ifo. On est déjà de retour pour cette semaine du 29 septembre au 5 octobre 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, et tantôt, on a fait des fous de nous autres là, en parlant de n'importe quoi de sans vraiment avoir de cohérence. Ça. Ouais. Un peu comme ma phrase qui vient de sortir tout croche. Mais on va remettre les pendules à l'heure. On saute par-dessus les 12e et 11e places. Du côté anglophone, Rich Aquin est en 12e avec I Want to Believe. Et en 11e, c'est In Flight Safety avec Animals. Les deux étaient nouvelles la semaine passée. Mm-hmm. Et en francophone, c'est Oli Laroche qu'on saute avec Rupture et Salomé Leclerc avec Arion. On saute d'aller la roche comme on lançait une roche dans l'eau puis ça ferait poing, poing, poing, poing. Mais il faut pas se tromper, il faut pas sauter Oli sur la roche. Ça pourrait être un peu moins plaisant pour lui. Exactement. Donc, position numéro 10, c'est ce qui va ouvrir notre heure top 10. Donc, en anglophone, ce sera Monomyth et Candle Holder qui montent de 6 places. Et qui montent de 4 places, c'est Acheter ta peau de Les Passagers. Ah ben, Acheter ta peau que tu viens de lancer contre une roche, fait que il y a comme des copeaux partout à terre. Mm-hmm. C'est drôle à dire, de Les Passagers. De c'est la chanson de Les Passagers. T'as bien raison. C'est vraiment bizarre, ça. Donc, Les Passagers nous offrent la chanson « Acheter ta peau ». Inversé! C'est bien dit, ça. Ah-ha. C'est palmarès, c'est fou, virgule, lait. Lait. Comment tu m'as appelé? Un lait, c'est bien. Deux lait, c'est bien. Placement de produit. Oui, c'est ça. Puisque la peau nue ne suffit plus, ouvrir nos chairs pour qu'on y voie toutes les possibilités

that's all I'm playing it hard. You're riding it strong. Let's fuck it all. Let's fuck it all. We're making good time. Taking it far. We're riding it strong. Let's fuck it all. Finale, If Only descend de la deuxième place maintenant en neuvième position anglophone. Et qui passe de la 15e à la 9e francophone, c'était Phil Brack avec Dans ma tête. On doit se corriger un petit peu l'entrevue avec Dany. Je dois me corriger, je m'en excuse. L'émission se corrige. Oui, c'est ça. Erratum. Oui. Donc, on a dit qu'il était en entrevue avec Dany Janvier le 2 octobre. En fait, c'est bien mardi le 7 octobre. Et on doit aussi corriger que les gens, on a dit tantôt que les gens de la rediffusion pourraient pas l'entendre. C'est faux! C'est faux! Tout le monde va pouvoir l'écouter. C'est pour tous, mardi entre 11h et 13h, l'émission de Dany Janvier, le dîner de con. Et voilà. Ce qui nous amène aux 8e place du côté anglophone, c'est Return for Refund. Aussi se corrige en se faisant rembourser leur propre musique. The Fields est en position numéro 8 anglo. Mais laisse-moi mettre ma tête dans le sable. Non, ok. Je pourrais essayer de faire une joke de vers de terre puisque c'est la prochaine chanson de Rouge Pompier qui passe de la 4e à la 8e. Je fais mon mieux, Mathieu. Je fais de mon mieux. T'es bon, t'es bon. Dans un nid de poule, j'suis comme un ver de terre. Thank you. ahead. My doubts were always high. Always scared to live my dream. Avec The Fields, position numéro 8, anglophone, ça monte de la 15e place. Et qui passe de la 4e à la 8e place. Donc, Mathieu, calcul rapide, qui baisse de 4 places, c'était... Hein? C'est vrai? Oui, mais merci. Je pensais que tu disais non, c'est 5. J'étais comme, ah, non. C'est rouge pompier avec vert de terre. Ouais. Je suis en train de me rendre compte que d'habitude, on joue un instant classique en début de deuxième heure. J'ai oublié tantôt. Et là, comme on est dans un bloc où il va y avoir une pub dans le milieu, on va attendre au prochain bloc. Parfait. Donc, au retour de la pub de la deuxième heure, du milieu de la deuxième heure. Mais, du milieu de l'émission, même, par l'effet oui. même. Oui! Hey, tout dit. Tout genre, oui! C'est vrai, j'ai des chaleurs. Oui! Wow, oui! Donc, on va écouter les positions numéro 7. Du côté anglophone, c'est Dead From Above 1979 qui monte de 7 avec Government Trash. Et oui, on va écouter Karim Ouellette, feat Mr. Valère ou Mr. Valère plus feat, Karim Ouellette avec L'amour est un monstre qui baisse de 3 places. Et yeah, c'est juste après. Qui monte de 3 places, Mathieu. Tu vois, je t'écoutais pas dans le calcul, par contre. Je dois avouer que je t'écoutais pas dans le calcul. L'amour est un monstre qui monte de 3 places. Bon. Au palmarès, c'est fou. Ça? Je pense que c'est 2, Mathieu. Ça va pas du tout. C'est 2. Jean-Philippe, c'est 2. Je pense que c'est parce que j'ai pas mangé. Ça doit être ça. Bon, ben, ouais. Ou parce que j'ai les yeux bandés. Je vais pas essayer de me trouver une excuse, Mathieu. Ouais. Mais je vois plus rien. J'allais dire qu'on laisse manger. Ah. On allait manger l'un l'autre. Qu'on laisse tous les deux manger, mais. Ouais. L'amour est un monstre. Ouh. Oh. Freaky. Problème vrai.

tes jokes. Ah, c'est ça. Sûrement, je les trouverais drôles. J'étais plus fatigué en ce moment. Ah, c'est ça l'histoire. Arrête de dormir. C'est de stymer le sommeil. De stymer le sommeil. Ouais. Donc, assemblage requis. Voilà. Et on fait le sort classique en milieu d'émission à chaque semaine. Oui, monsieur. Ouais. On est rendu au 6e place. Déjà, en 6e anglophone, c'est The Stripes avec Mystery Man qui monte de la 13e place. Et qui monte de 14 positions, Mathieu. J'ai calculé ça dans ma tête. Donc, de la 20e à la 6e. C'est Fanny Bloom avec Samy. Samy. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a pris tout le montage de l'étendard de sa classe pour calculer ça. Les murs sont remplis de calculs. C'est comme dans le film avec Matt Damon. Oui. Good Will Hunting. C'est ça que j'avais en tête? Good Will Hunting, ouais. C'est le destin de Will Hunting. Peut-être. On écoute Fanny Bloom. La flûte de pan, t'aimes ça? Oui, pendant que je calcule le prochain. C'est ça. Pendant. C'est ça. Moi, j'avais fait ça dépend. Moi, je fais pendant. Les deux blagues sont bonnes. Oui. Dirais. La tienne est sûrement meilleure. Elles sont équivalentes. Oui. Tu ne cours plus et ton souffle a repris sa cadence. Tes fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. La lumière que je connaissais de toi. Oh Samy, Samy, je sais que les choses ont changé. Je vois que Oh, shit. Mystery Man, c'était par la formation de Stripes en 6e position anglophone. Et en 6e francophone, c'était Sammy Sammy de Fanny Bloom. Exactement. Le temps passe vite. On est déjà presque à la fin de cette 2e heure des Palmarès C'est fou. Il nous reste le temps pour les 6e. D'habitude, on les écouterait pas parce qu'on aurait c'était fou, mais aujourd'hui, fuck, c'était fou. Oh! ouais, c'est ça. Non, c'est, non. Et on va manquer de temps, sinon. Ben, écoute, il n'y a aucun problème. Ben, moi, je suis à l'aise avec ça, Mathieu. Ben, parfait. J'ai arrêté de parler pour pas qu'on manque de temps parce que je parle trop. Tant mieux. Et en fait, je regarde ça. Je suis en train de dire, OK, je vais vous dire la réalité. On est rendu au moment où on se quitterait pour l'art. Donc, on a le temps pour C'était fou, finalement. Ah, ben, écoute. Je regarde ça, là. Je vais enlever mes souliers. OK. Je mets mes pétoufles. OK. Je relaxe. OK. Je déboutonne mon pantalon. Ouais. Et j'écoute. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2011. Oh, oh! Girl who stole my motorbike and made out- dedans, j'te down des nappes, mais là j'suis dedans. Douze, j'te dis douze, aujourd'hui j'suis dedans, j'te down des nappes, mais là j'suis dedans. J'suis en tracé une ligne pour laisser jusqu'au bout. Suis ce que j'm'assigne sans m'écarter de la route. J'vais lâcher la viande pour me mettre aux légumes. Me mettre des fâches parce que c'est que j'fume. Aujourd'hui j'm'y mets, j'm'y mets pour de vrai. Aujourd'hui j'suis prêt, j'suis prêt pas à peu près. Aujourd'hui j'm'y mets, j'm'y mets pour de vrai. Aujourd'hui j'lâcherai pas, j'suis presque prêt. L'important c'est le constat. Jusqu'au bout, sans doute, l'importance d'être constant. Ah. Suivre sa voix, suivre une voix, sa voix, suivre sa voix, jusqu'au bout, sans doute. J'ai commencé brousse, mais je l'ai pas fini. Commencé une diète que j'ai pas réussi. Arrêter de boire pour me ramasser fini. Mise à l'exercice pour me ramasser bénéficie. J'ai eu goût de faire le ménage, mais j'ai fait autre chose. Commencé le forain, mais je l'ai mis sous pause. J'ai une sorte d'idée, genre de projet grandiose. Mais j'ai dû oublier de quoi il s'agissait, je suppose. Sa voix, suivre sa route jusqu'au bout sans doute. Couplet 3, j'ai plus trop de goût. Couplet 3, de plus en plus je m'en fous. Je commence comme être un peu tanné. Je vais réussir ma dame, me pogner ma nez. C'est ça ta l'heure, mais là c'est moins ça. C'est ça au début là, c'est fou ça. Je finis rien, mais quand je commence, je batte pas loin. Quand je mélange, j'avais trop ma motivation. Mais c'est rendu top, je voulais me frapper. Mais sans que pop, mais sans que c'est rough. Mais sans que c'est top, je peux pas en pop. Jusqu'au bout, sans doute. L'important c'est constant. Yeah. Suis sa voix, suis une voix, sa voix, suis sa route. Jusqu'au bout, sans doute. Up and down, monter, descend, pour vous, ça me tend, plancher, me prendre. Up and down, monter, descend, pour vous, ça me tend, plancher, me prendre. Up and down, monter, descend, pour vous, ça me tend, plancher, me prendre. Up and down, monter, descend, pour vous, ça me tend, plancher, me prendre. C'était le bloc C'est fou. C'était fou pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2011. On a entendu dans l'ordre le numéro 1 francophone Roller Fac et le Sal Wave sur l'album Votre nouveau guide spirituel. Ensuite, c'était Camp Radio et The Girl Who Stole My Motorbike sur l'album Campista Socialista. Et on a terminé avec mon choix personnel de ce palmarès-là. C'était Gatineau avec l'excellente pièce de l'importance d'être constant sur leur album Karaoke King. Oh oui. Ailleurs, dans ce même, dans cette même semaine de 2011, de septembre à octobre, du côté franco, on retrouvait entre autres Brady Cardi, formation locale, Karim Ouellet, qui est encore présent dans le palmarès en ce moment, Galaxy, Malajube, les Vigueurs Machin, Monogrenade, les... Pardon, Breastfeeders. Pourtant, j'ai pas mangé, c'est supposé être des reflux quand je fais ça, mais c'est, j'ai pas mangé. C'est peut-être ton estomac qui se digère. Peut-être. Marc Derry était là. Ah oui. Oui, c'est vraiment étrange, mais il y avait une très bonne chanson, Welcome, sur l'album numéro 4. Peter, Salomé Leclerc et un paquet d'autres. En anglophone, on retrouvait, entre autres, Mother et Timber, deux groupes avec deux doubles noms. Sinon, il y avait aussi Black Lips, Elliot Broad, qu'on adore, Young Galaxy, Ockerville River et plusieurs autres. Retrouvez le lien vers ce palmarès de septembre 2011 sur assemblagerequis.com. Voilà. Voilà pour C'était fou. Ouais. Ça nous amène à pas mal, je te dirais, terminer l'heure ici. La fin de la deuxième heure et le début de la troisième. Exactement. On commence par finir cette deuxième en vous disant qu'on est de retour dans deux minutes avec la portion top 5 de l'émission. On va savoir d'ici la fin si notre numéro 1 anglophone est toujours The Pretty Reckless et Heaven Knows. Et en francophone, on va toujours savoir en fait si c'est toujours Propofol avec Commando. C'est dans deux minutes au 89 FM. Pas plus, pas moins. C'est fou, 89.1. C'est la troisième heure des Palmarès. C'est fou pour la semaine du 29 septembre. 5 octobre 2014. Si. Si, senor. Pasta al dente. C'est donc la portion top 5 des Palmarès. C'est fou. On est rendu aux 5e place. On va savoir d'ici la fin si nos numéros 1 en tiennent toujours. On les a dit tantôt. On sait déjà sur quoi se tenir. Sur quoi se tenir. Sur quelle jambe danser. Mais en 5e place anglophone, ce sera PS I Love You avec In My Mind At Least qui monte de la 11e. Et en francophone, c'est la chanson Sagard de Bernary qui passe de la 8e à la 5e. Mm-hmm. Et aussi à venir dans l'émission, la portion ailleurs dans les Palmarès. Oui. Oui. Avec une plug de David Ferron. On sait qu'il aime ça. Oui. P.S. I love you. Oh! Ah, c'était pas vers toi que je disais ça, c'était vers le public. Ensuite. Ah ouais. Donc, c'était la pièce In My Mind At Least qui monte de la 11e à la 5e position anglophone. Et qui passe de la 8e à la 5e francophone. C'est Bernary avec la chanson Sagar. Ben oui, puis tu sais bien que je t'aime pareil. Ben oui, je sais bien. Ça, c'était pas visé vers toi, mais le reste de ma vie où tout. Je te dis que je t'aime, c'est vrai. Prochain numéro 4 anglophone, c'est The New Pornographers et Brill Bruisers qui montent de 4 places. Et qui montent de 2 places, c'est Hôtel Morphée avec la chanson Hôtel. Ouh, on se prend une chambre. Non! On va pouvoir se morfondre. Oh, ensemble. Morfondre. Il me semble que c'est négatif, se morfondre ensemble. On va aller veger, on va aller sur le couch. C'est ça, exactement. Un bel cheveu blanc décoiffé, même si ça marque de rester. Nos regards seront familiers. Thank you. Par la formation de New Pornographers en position numéro 4, ça monte de 4 places du côté anglo. Oui, et puis c'était Hôtel Morphée avec la chanson Hôtel qui monte de 2 places en 4e position. Un bon petit bloc pas endormant du tout de ce côté-là. Les 3e, même chose, ça va être super bon parce qu'en anglophone, c'est Orange Plaque avec Belly Button qui monte de 2. Et oui, et stable en 3e position, c'est Carl-Étienne Hudon avec Que Dieu bénisse les marathoniennes. Mm-hmm. Puis c'est là parce que tantôt c'est ailleurs dans les palmarès. Oh, wow. Oui, oh oui. Sur C'est fou, c'est des palmarès, c'est fou, tu connais ça? Oui, encore pour une quarantaine de minutes, Mathieu. Environ. Ouais. On joue genre juste de la bonne musique. C'est comme c'est un fun, ça. Nouveau concept. Ouais. Que Dieu bénisse les marathoniens. Préserve tes grandes averses. Puisse le soleil leur brûler la peau, l'endurcir pour les temps qui viennent. L'avenir attend sur l'horizon, qu'on lui donne une nouvelle adresse. Puisse Dieu caresser leurs talons, qu'il protège les marathoniennes. Que tu bénisses les marathoniennes. Leurs jambes comme des tremblements de terre. Puis chaque secousse les délivrer d'un poids trop lourd, d'une bien longue peine. La terre est fertile sous l'asphalte, les racines poussent et persévèrent. Si tu peux t'effacer le mal, qu'il en délivre les marathoniennes. Les marathoniennes et leurs pensées claires comme la brise fraîche. Puissent-ils faire tomber les décors, les distractions sont nombreuses et vaines. Une vie meilleure attend devant, qu'on l'atteigne, oui, mais le temps prend. Puisse Dieu se montrer clément, qu'il pardonne aux marathoniennes, qu'il pardonne aux marathoniennes. 3. Every day, She's drowning her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. Juggling with fire, only aging. She's young but begs to be older. She's living high and drunk, rock and roll. Tequila, painkillers and packs of Marlboros. Done it all. She ain't got tears to cry. She's exhausted and weak. Andrew Clark et Belly Button, c'est en troisième place anglophone. C'est une hausse de 2. Et bien stable en troisième position, c'est Carl-Éric Cudon avec Que Dieu bénisse les marathoniennes. Ah oui! On n'arrête pas de remettre à plus tard les chroniques. Là. Ailleurs dans les palmarès, ça va être tantôt. Okay. J'avais dit là, ça va être tantôt. C'est peut-être pas de faire ça là, la musique du monde, là, on aime ça plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus tard possible. T'sais. En dernier lieu, c'est pas vrai du tout. On ben non. Donc en deuxième place, c'est The Devin Cuddy Band avec 44 qui monte de la 4 à la 2. Oh, puis là, Mathieu, je te vole un scoop puisqu'il passe, ça passe de la première position à la deuxième, donc il descend d'une place. Hein, ça pouvait pas descendre d'une place puis pas être la première. Ben non. Donc c'est Propofol avec Commando. C'est quoi le contraire de Propofol? Salaud saine d'esprit, hein? Ah. Non, c'est ça. Propofol. Propofol, mais tu dis l'inverse, propre. Ou sale fou. Sale fou? Oui, parce que le contraire de féminin, c'est masculin. Folle. C'est vrai. Voilà. On a appris tantôt avec Stéphanie et toi que vous êtes contraires l'un à l'autre parce que par choix, elle a choisi d'être une femme et toi, tu as choisi d'être un homme. Par choix. Par choix. Ben oui. Ben c'est ça. Lorsqu'ils m'ont demandé de cocher, j'ai coché homme. Qu'on me montre la preuve que c'est pas un choix. Non, c'est ça. On commence des ça n'a pas rapport. Sur n'importe quoi, c'est finalement. Prova folle tout de suite. Ça, c'est fou. 89 FM. Religion, politique, on oublie ça ici. On enlève ça ici. Oh, 89.1. Deux. I think I've seen your face hanging around my door. I know you, stranger, I don't wanna see you no more. You better run to the prairies, you better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Hey little darling, was he better than me? Hey little darling, you'll see how dead he can be. He better run to the mountains, he better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Did he treat you well? Oh, did he treat you kind? For this darling, oh, I'm sure I'll do some time. Oh, you better tell him, baby, gas all up his car. You better tell him, oh, he better drive far. He better drive to the ocean. He better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Sometime, oh, you better tell him, oh, the gas on up his car. You better tell him, oh, he better drive far. He better run to the ocean. He better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Devin Caliban et 44, ça monte de deux places en deuxième position anglophone. Et notre ancien numéro 1, Propofol, avec Commando, qui est rendu numéro 2. Oh, il nous reste seulement les numéros 1 à entendre de chaque côté, donc un nouveau numéro 1 au moins. L'autre, on l'a pas encore entendu. On sait pas, là, tu sais. Il reste juste deux chansons, fait que ça me fait deviner que peut-être que c'est la même chose que la semaine passée. Mais on sait pas. Que les suppositions, on va arrêter de faire ça. On va y aller avec des choses vraies. Par exemple, la section ailleurs dans les palmarès, JP, la chanson. Je prépare mes trémolos. Parfait. Oh, 3, 4. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs. C'est 4 fois. Donc, c'est ailleurs dans les palmarès. Pour ceux qui ne savent pas encore, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3, des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Je vais commencer par les nouvelles entrées du top 30 des albums. Il y en a juste une, c'est en 20e place. On retrouve Broncho ou Bronco avec Just Enough Hip to Be a Woman. Top 3 du top 30 des albums, s'il te plaît, JP. Oui, donc rapidement, donc les on y va juste avec les albums ou album artiste. Oui, donc Kitchen. On va commencer par le numéro 3. Donc c'était Brill Brother avec The New l'album avec l'artiste The New Pornographers. Orange O'Clock est l'artiste donc qui a sorti avec son album Crazy Carnival et de Devin Caliban avec Kitchen Knife. Je crois que tu nous as fait le top 3 des disques canadiens. Malheureusement, malencontreusement. Je vais faire le top 3 du top 30 dans le fond des albums, ça te dérange pas. C'est ça que tu voulais. C'est pas grave, je vais le faire. Là. Donc, troisième place, non, ça va. Pas de sens avec ça. Orange O'Clock avec l'album Crazy Carnival. En deuxième, c'est Devin Caliban. Et en première, c'est Pretty Reckless avec Going to Hell. Maintenant, dans le top 10 loud, on retrouve une nouvelle entrée, c'est Hailstorm avec l'album Sunset on the Golden Age. En troisième place, ça descend de une, Ace Frehley avec Space Invader. En deuxième, ça monte de 3, Blood God avec l'album Blood is My Trademark. Et en première place, c'est Blues Pills avec l'album Blues Pills. Je vais te laisser le top 5 des musiques du monde. T'es bien gentil. Avec nouvelle entrée top 3. Par contre, je dois te préciser la twist que ce sont des pièces et qu'elles sont à gauche alors que les artistes sont au centre. Est-ce que tu me suis jusqu'à là? Oui, tout à fait. Donc, nouvelle entrée côté musique du monde. Donc, c'est Jardine feat. Lido Pimenta. C'est Chancha via Quito. Circuito. Circuito. Ouais, non, ça se fait. Une fois que tu l'as dit, c'est comme du bicycle. Une fois que tu l'as dit, tu peux le dire 1000 fois. Et quatrième position, donc c'est la pièce Fanny de Tsunzana. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce ça? Aucune. On va dire que oui. Troisième position, on a la pièce Sanaranu. Non, Sana... Mathieu, aide-moi là-dessus. Attends un peu. Sanyanaru. Sanyanaru. Ouais. De Aurelio. Ouais. Et on a Révolution de Simiri en deuxième position. Et en première place, Mathieu, qu'est-ce qu'on a? Les Chibanis de Zebda. Et voilà. Voilà. Merci, Mathieu. C'est la section la plus difficile à faire. Mais j'ai du fun pareil. On peut bien rire de moi, ça me dérange pas. C'est amusant. Non, on rit avec toi. Tsunzana. Je te suggère... Sanyanaru. Sanyanaru, ça, c'est trop difficile. Moi, je te suggère d'aller entendre la nouvelle entrée. C'est Jardine featuring Lido Pimienta de Chancha Via Circuito. On écoute ça à l'instant dans Yard de Palmarès tout de suite. Puis je l'ai pas dit vite comme ça juste pour t'impressionner puis avoir l'air meilleur que toi. Là. Je dois avouer que je suis très impressionné. Mais merci, c'était pas le but. Juste pour être Chancha sûr. Via Circuito. Circuito. C'est à Yard de Palmarès. Amor mío, sigue así, llega todo alrededor tu sueño. C'était Chanta via Circuito. Avec la pièce Jardines featuring Little Pimienta. Excuse-moi. Ah, Mathieu, tu m'impressionnes. T'as coupé mon micro pour pas que je gâche son nom, hein? C'est ça? Non, c'est que. Tu sais, Stéphanie, à son âge, est tellement un rock. T'sais, Stéphanie, on sait, c'est une fille de rock. Elle aime bien ça, le rock. T'sais. Fait qu'elle fait tant des symboles de rock avec ses doigts. T'sais. Puis moi, ben, j'ai comme. Je me suis accommodé les doigts. Ah. Fait que j'appuie tout le temps dans la même façon sur les boutons. Toi, ben, t'es sur l'autre. Fait qu'il faut que j'écartille mon rock un petit peu plus large. Tu sais, écartille le rock, là, le nouveau slogan de Budweiser. Écartille le rock. Ça serait une tune de qui, ça, mettons? Rouge pompier. Éric Lapointe. Éric Lapointe, oui. Écartier, le rock. Écart, c'est bon, ça, c'est bon. C'est un nouveau jeu que tu as commencé. Je pense que je l'aime, ce jeu-là. Oui, tout à fait. Avec Karina Tardy de l'émission Les Audacieuses. Vous avez un jeu ensemble. Oui, tout à fait. Au-dessus d'une parole hésite dans la vie. Ben, une petite phrase, c'est une petite phrase clé, là, mettons comme ça, là, écartiller le rock. Mm-hmm. Ça, ben, on se dit, bon, ben, qui aurait. Ça serait la toune à qui, en fait. Ouais, faut que tu trouves le ben, des fois, ça peut être très, très drôle. Tu sais, quand tu tombes dans du Jerry Boulet, les trois accords, ça peut être absurde. Ben, tantôt, tu avais la phrase de Ça me gêne pas pantoute, que tu m'as dit en rond. Ça t'a inspiré une chanson des Trois accords ou ouais. Coloc, peut-être, entre autres. Puis là, tu peux améliorer le jeu en commençant à chanter la chanson, tu sais. Oui, c'est ça. Ça me gêne pas pantoute. Chose de genre. C'est, ouais. Tu peux mélanger ça après avec l'autre jeu que tu as dans la vie qui est entre les draps, entre les fesses. Rock Ben, non. Non, entre les draps, entre les fesses. Oui. Tout le temps, quand tu dis une phrase comme, mettons, ça me gêne pas pantoute, c'est ça me gêne pas entre les draps. Ça me gêne entre les draps, pas pantoute, entre les fesses. Voilà. Oui, c'est ça. QTR, savoir, entre les draps, surprendre, entre les fesses. Ça s'applique à tout dans la vie. Tout. C'est le fun. Voilà, plein de jeux comme ça qui nous rendent la vie si. Heureuse, qui enlève la monotonie. Oui. Ah. Mono entre les draps, Tony entre les fesses. À toutes les sauces. Toutes entre les draps, sauce entre les fesses. Vous avez compris le principe. Bref. Donc, la chanson Hardiness featuring Lido Pimienta de Chancha via Circuito, là, en cinquième place, nouvelle entrée dans le top 5 des musiques du monde, ça fait référence à l'émission Les Palmarès du Monde qui a lieu tous les lundis à 18h avec David Ferron. C'est là qu'on entend le top 5 musique du monde. Sinon, il y a le top 10 Loud qui est dans l'émission Rock Classique pour complet, mais il y a des extraits qui sont dans Rock Classique. Oui. Et le top 3 des albums, top 30 des albums et top 3 des albums, c'est un petit peu partout, assez fou. Je l'écoutais tout le temps. Voilà, écoutez, c'est fou en général. C'est moi en général. Voilà. Nous restons dans le numéro 1. Et le numéro 1, ben, ça veut dire d'habitude les jeux de mots poche. Oh, wow, yeah. C'est vrai, on n'a pas vraiment le choix. On essaie de s'en sortir, mais un peu comme un cheval ne peut pas vraiment se sortir de quand son fermier lui vient entre les. Ah, que là, ça devient un petit peu vraiment comme fourrer un cheval. C'est un petit peu bizarre. Hein? Ouais. C'est un peu bizarre. Je vais en essayer un autre. C'est comme un super héros avec sa cape qui essaie de voler à travers la ville de New York. Tu peux pas l'arrêter, il est invincible. Mm-hmm. Ou c'est comme toi le matin? Invincible. Oui, c'est vrai, je me sentais invincible cette semaine. Pour ceux qui me suivent depuis le début des palmarès. C'est ça. Dans les meilleurs moments. C'était moi qui étais invincible. Mais le fermier, lui, a son cheval. Mm-hmm. Comme c'est son super-héros. À la place d'avoir une cape, il a une queue. Okay. Le cheval. Oui, c'est ça. C'est son super-héros. Du côté anglophone, Dieu seul sait que c'est le même que la semaine passée. Ah! Qui est imbattable. Il est joli. Il est tout ça. Il est autant au paradis qu'en enfer. Il est omniscient et omnipotent. Et polyglotte, je te dirais. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. C'est un peu mauvais, mais il était là la semaine passée, puis j'avais déjà fait mes gags la semaine passée. Ben oui, c'est ça. Finalement, on aurait pu juste remettre le même segment. C'est ça. Segment d'oreille, comme on dit. Segment. Je te laisse expliquer les numéros 1 de chaque côté, s'il te plaît. Oui, donc du côté francophone qui fait un bond de cheval. Non! Qui passe de la 10e à la première. Non. C'est Eugène et le cheval avec la chanson Invincible. Et côté anglophone, c'est de Pretty Reckless avec Even Knows. Mm-hmm. Les albums, du côté anglophone, j'avais fait un petit jeu de mots sur Going to Hell, donc ça avait mais du côté francophone, j'ai quand même oublié pourquoi j'ai pas fait de jeu de mots. Je pense que j'ai, pour l'album, je pense que j'ai une certaine perte de mémoire ou encore j'ai peut-être un blocage complet. Autre mécanisme de défense, tu vois, c'est la chanson, l'album c'est perte de mémoire et mécanisme de défense. Ah, voilà. Parce que des fois j'oublie de faire les jeux de mots sur les albums. C'est important aussi, ça me donne du matériel. Puis c'est un label indépendant, fait que là-dessus je peux te dire que t'as travaillé tout seul. Ouais, indépendant. Merci, c'est vrai. Tu m'as pas aidé du tout. Tu prends pas le crédit pour ces blagues-là. Tu peux pas t'associer à ça, finalement. Toute ressemblance pourrait être fortuite. Fortuite, comme on appelle. Ça me dit quelque chose sur une pub, ça, je pense, qu'il joue assez fou. Invincible de choses, là. Eugénie Le Cheval, avec les gags de gars qui font son cheval. Oh! Ouais. J'avais commencé l'expression, t'as faux-tu ta chèvre pour dire, tu sais. ta, ben ta oui. couche su, ta fondue, ta chaise. Ben oui. J'aurais pu faire des jeux de chevaux aussi. Ça peut être ça. Ça peut être ça. I've got better days, man. say. You can hear the crying. Oh! Les premières positions pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2014. Faisons des petits résumés de ce côté, Jean-Philippe. Oui, d'accord, oui. Mathieu. Du côté anglophone, en troisième place, Orange O'Clock avec Belly Button. En deuxième, 44 avec The Devon Cuddy Band. Et on vient d'entendre The Pretty Reckless avec Heaven Knows qui est stable en première anglophone. Et oui, même top 3 francophone, c'est Carl-Éric Hudon avec Que Dieu bénisse les marathoniennes en troisième. Propofol avec la chanson Commando en deuxième place. Et en première position, Eugénie Lecheval avec la chanson Invincible. Et voilà, merveilleux, merveilleux. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis entre 14h et 17h. Après nous, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron, puis Audiomatique, l'émission de musique électronique et finalement Les Audacieuses à 19h. On repart les vendredis à 17h. Après nous, c'est Les Bonnets Rouges à 20h et Skype.com à 21h. Et finalement, les dimanches à midi, restez sur nos ondes. Voilà, Mathieu. Pour plein de musique. Oui. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci beaucoup Jean-Philippe Charbonneau. Merci Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Je pense que Quartier le Rock est un bon titre pour aujourd'hui. Et Quartier le Rock, ouais. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment dans l'émission. C'est en 12e place francophone. Oli Laroche et Rupture qui montent de 6 places et qui était nouvelle la semaine passée. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est une rupture. Oh non! Oh! Ça finit mal. Que celui qui n'a jamais arrêté une émission me jette la première pierre. Laroche. La roche. C'est une belle fin, ça. Rire en canne. Rire en canne. Oh, on devrait avoir ça. Budget? Il y a ça budget pour une machine à son? Tout le temps. Tout le temps.